À l'occasion du 7e congrès du Parti travail de Corée, les meetings de félicitations ont eu lieu les 28 et 29 avril en Russie, en Allemagne et en Angola. Y ont pris part les personnalités du comité du territoire maritime du Parti communiste de la Fédération de Russie, du Parti communiste allemand, du Cercle allemand d'études des œuvres des camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il, du journal angolais Aimé et du comité angolais pour l'amitié et la solidarité avec les peuples ainsi que les habitants. Au rendez-vous tenu en Russie, on a adopté un message de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.